بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع المحبين. أما بعد، جناب إنسان تيالا جلتي سانغو سانغو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نيلين دي نيو دي لين شعر di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala manam di leen bal ak tamit di ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo lañu jéggal tubarak rasulullah alayhi salatu wassalam bi nga xamne mom lañu kon yamon ci jotay bi wéso moy né li nga xamantene mom moy indi nitu yalla yi seen xam xam yi manam ñom li ñuy topato moy dañuy fexé rek ba seen xol ñu label ko. Parce que en fait nit su défé effortu fexé ba xolam mu sétal ko mu label ko dindi ci lepp lo xamantene tak tak la ak tilim tilim rek day daal di gis yu bari bari day daal dakoy daal yomb manam ci walu borom subhanahu wa ta'ala day gis manam xol bi dafa melni ben sétu bo xamantene buñ ko astiqué hein daal di koy dengga dal koy mu tuddu raxa setal ko de nga def ci sen produit yoyu amna produit yi ñi def ci set wi man verre yi ñi def ci verre après nga dal di koy gëna lissel nga xamantene day mel lax nga xamne lepp lo xamantene dafa jakarlo ak mom rek da ci dal di feñ sans mu am ben tâche bu ci dal lool la nit bu defé effort bobu ba def non xolam da ngay gis xolam dafa jakarlo en réalité ak lawhul mahfuz da fa jakkalo ak lawhul mahfuz donc li nga xamne mom mo am ci alamul malakut moy le royaume céleste yep lay jakkalo ko ce qui fait que xam xam bi muy jël dootul jaarati ci 5 sens yi di ñew ci mom kessé bobu xam xam dina ko am comme tout le monde manam xam xam mi nga xamantene ci 5 sens yi nga koy lay jaar pour mëna dugg ci xol bi comme tout le monde daf koy am mais mom daf ci bolé benen moy bi nga xamantene bobu du 5 sens lañ koy amé mais ci manam nit ki daf koy am fekk han manam day bënné rek ci xol bi directement kon lool lay wax né muna kon lool mom mo wutélé lool mo wutélé motax mu né mu joxé won exemple bon gisoon nañ exemple bobu ci ñaari jotta il y a deux séances manam jot entre ki nan exemple bi entre ñan chinois yi ak byzantin voilà hein la rome moy byzantin donc chinois yi ak byzantin dañ leena tégalon ben tenture buñ tek ni seen digënté ah bo xamantene kenn ku ci nek manam ben tenture bu mel comme ni ñu def ben rideau seen digënté nga amne kenn ku ci nek day dañ ni ko comme ñom ñaar ñëpp lañ doon jëkënte ku nek di rawante di poukere wu ci kanamu bour bi ne yow ya daqa dessiner ya daqa def ay gravure ay dessin ay voilà imagerie et cetera bi nga xamantene ci lañ wax lolu bour bi mujju ne legui grawul legui voilà voilà ki ku nek nan ma man voilà legui wala na ko ne won ni nga mané rek wa lolou mo gëna yomb wa légui kenn ku ci nek ni mi wone ni mu gëna yombé ni mu gëna mané moy dafa tek lolou seen digënté bi mu ko téggé seen digënté kenn ku ci nek daal di ñëw ñi daal di ñëw dessiner chinois manam byzantin ñom commencé dessiner di défar affaire yu rafet di reud di peinture di ndalé seen xéetu couleur coloration yi benn ku ci nek ñu taf ko da nga connecté ou da nga partager cette connexion parce que dama gis sama connection bi bi yow la ah d'accord si deng légui ma gis voilà kon bok légui kon ki ñu tuddu ñan byzantin dessiné def li ñu def ay xadjat demal analyser là-bas derrière voilà tu fais son tour tour là derrière pas ici voilà voilà deng kon légui ñom biñ dessiné affaire gaay ñom dañ ñoo préoccupé wu rek di lan di lissel fi diko mel diko rafetal di fexé ba mu liss ba mi melax ba am ci comme si day melni sépu bi gaayé né paré na ñi ni ñom tamit paré nañ biñ paré biñ yékété ati nga gis affaire yu reflété wu fi manam yi rafet nañ mais dafa bolé rafetayu ñi bi yor plus reflet bi nga xamanté mom la seen boss bi di reflété ak melax gi mi melax ak sentier manam ni mi sentier nonu wala ko couleur yu rafet yi am fi nga gis kon gaay ñu gëna rafet la manam loolu mom moy exemple borom xam xam ak sage ak savant yi seen différence ak awliya yi ak manam les saints les ak voilà ñom seen xam xam ñom dañuy préoccupé plutôt manam wallu yi que défar seen xol rafetal ko sétal ko loolu la tamit yoon bi tamit loolu la motax bo jota bi wessu bi ginnaw biñu waxé ci loolu gisoon nañ né li takal xol ak yi mo nekkone affaire bakkani febru bakkani et cetera yoy ak niñ koy dindé nan ngay def et cetera ci lolu jotay bi wessu danaka ci lolu lañu taxawon ci buntu bobu mais que en fait nit ki kon il faut mu lan muy fexé di label xolam voilà en gros lolu mom moy wax di kon mu nekkone fa kadhalika naka non kon inayatul awliya yitte awli bi tatheeril qalbi mi ngi nek ci label xol wajalaahi ak manam feñal manam selal ko la manam setal ko lolou me ben la rek wa tazkiyatihi ak wala tazkiya moy wala mom tamit ben la moy fexé ba label gën ko setal wa safa'ihi gis nga mom tamit ben la manam fexé manam yeb ay expression la yo xamanteni dañu bokku sens mais ben bu ci nek day tektale manam label setal hein gëna rafetal gën ko melaxal et cetera wala hatta mbeta yatala la muy melax fi ci mom al haqq bur yalla bi deug bi nihayatul israq ci jeexitalu manam fenk ji muy fenk wala bok jolli ji muy jolli kama kenn nga xamne faala non la def ahlus sunn wasir wa inayatu yitte kal hukama manam borom xereñi wal ulama ak borom xam yi manam moy sage ak savant yi ñom niñu def ñom liktisab ñom dañu nek ngir di fagu wa naqsh ak di redd al ulum xam xam yi wa tahsilat ame naqshaha ak reddum fil qalbi ci xol bi kama kem ni nga xamna faala non def ahlu rum wa rum moy byzantin donc bo xolé borom xam xam yi ñom moy les savants et les sages ñom ñu ñuy fexé tout temps dans leur processus de d'obtention wala d'acquisition des connaissances ñom ñu ñuy def moy lan moy dañuy fexé ba fi manam ba seen xol di acquérir à travers les cinq sens hein ñuy acquérir xam xam yi ba paré diko ci graver pour mu baña manam graver ko ci xol bi pour mu baña rëcc motax ngay gis tout temps non lañu mëna xamé ñom buñu gisé dara pour ñu mën ko japp il faut ñu xol ko bu baaxa baax après ñu bañ ko faté wala buñu déggé dara ñu fexé bu dé dañ def leen rëcc ñu arrière wax di déglu wat ko wala ñu laajat waxatal mu dégg nga daali waxat ñu fexé ba japp affaire bobu et cetera luñu laal buñu baña faté ki bi dañ koy laalat et cetera bu fekkete na luñu mos la ni guula han pour ñu xam goob bi il faut ñu lan ko dañ koy mos buñ bañé fatte goob bi ñu né xaaruma mosa ba para gis moy gustation du non la jé voilà gustation bobu han dégustation wa kay voilà dégustation bobu voilà bu ko défé dinañ ko xam et cetera niki nonu en odeur yi manam moy han voilà moy dañ koy xéñtu dañuy xéñtu dara comme buñ démé di sét ay parfum par exemple dañuy set parfum bi ak luko woutale bi nga gis wal ma xewntu wat bi ba xam ñu la defal hein voilà non lañuy def manam pour bañ ko faté pour xam xam bi dess ci ñom alors que nitu yalla ñom soxla wuñ lolu voilà ñom soxla wuñ lolu té luñu xam rek dañ koy garder parce que buñ ko bëggé fatalik il suffit que ñu xol teel xol ci asaman ci rek manam gisat ko manam lepp nekkat ci ñom tout simplement voilà motax mu ne fa kayfa ma ak num meuna weure fa kayfa ma ak lu meuna xew kana bamu nek amru mbir mi manam moy lu mbir mi mën ti weure fal fa qalbul mu'min kholub aji gem di mom la yamutu dudé manam julit bu gem yalla kholam mom dudé wa ilmuhu kham khamam indal mawt fafde la yumhadu faru manam kham kham bi mu yor bu dewe kham kham bi tam du jeex dudé wa safahu ak selte la yatakaddaru du nekh selte gi mu selte du am ay trouble ay nekh nekh mom julit kholam non la ko yalla bindé lol nak legui nak fa iza arat legui nak mu melni dafa am ben question buy ñew waaw yeen lew li nga wax ni amna solo parce que man buma sañu nonu lay mel wala xel mom ñewul ci wax ñoo ñewul ci xelu kenn ci nit han kenn ku ci nek xel mi lol lay wax mais man suma bëgge mel non ana nan lay def han legui nak mu ne fa iza arat kon so namé antu abdira ci ngay firi min alamil mulki di jugge manam wala bok to anta tabara nga djegi min alamal mulku djugi ci aduna bi nga xamne moy aduna soufsi manam soufsi ba ci asaman se bu nguruk yalla gi ila alamal malakut djem ci nguruk yalla gu kawega bu magga moy malakut moy dig moy asaman yi le royaume celeste wa min alamish shahada ngay meuna djugi ci aduna bi nga xamantene mom moy liñuy lamb diko jakar lol diko dak moy le monde visible ila alam al khayb dem ci aduna bi nga xamne monde invisible la c'est un monde tangible imperceptible ngane lumay def mune fa alayka ma ngi lay denk bil khalwat ci khalwa ñu tuddé khalwa khalwa moy lan la retraite spirituelle ngay wit tok yow kesse ngay jaamu yalla mais nak ngane nan la koy defé mune la ala yadi dang koy def ci kaw loxoy ci ay loxay cheikhine serigne bo xamne arifin nandite la manam il faut que serigne bi nek ku nek mom tamit nandite manam mu nek ko xamne ku xam mbiri la wala ku xam yalla un connaissant accompli wala moy un maître chevronné un professeur chevronné un maître connecté wala ko xamantene xamna affaire yi lan mo ci xew éducateur spirituel wa fil khalwati ci khalwo bi nak tusalli da ngay julli al fara'id farata wa rawatib ak rawatib sala manam kon nafile yi nga xamantene ay rawatib lañ yépp da ngay len di julli manam bo julle say tisbar bala tisbar da ngay julli ñaata ñent rakka après tisbar ñent avant tafsan amul rawatib mais mën nga ko def nga julli nafile ñent rakka mën na ne mais amuko après timis nga julli ñaar wala juroom ben rakka avant ge nga julli ñent après ge nga julli ñent fajar ñaar rakka fajar ak safa witam manam yoy ngay saxo ci bir xalwo bi mais il faut manam do jog rek ni ah affaire bi amna solo han xaaral bu suba mo prog commencer programme xalwo attention dinañ ñew ci lool inshallah ci danger bi nek ci xéetu doxalin bobu nonu sans serigne bi nga xamné arif billah la mu jox la ndigal ci nga dugg ci gravité bi ci nek dinañ ci ñew légui inshallah de nga waaw ngani waaw légui suma paré lolu nak su fekente ni julli na samay farata ak samay nafila yoy nonu ana naka lay def muna summa top la tashkhal bul soxlal bul yitté won nafsa ka sa bop fi tafkir ci di xalat fi ay shay'in ci dara ngani duma ñu mëna la bul méditer ci dara c'est à dire que durant bi ngay nek ci xalwa bobu bul nek di xalat ci dara ngane kon xeyna kon damay wut damay duggalé ak sama téré xam xam yi manam damay duggalé ak sama ñom tafsir ye ñom cheikh salah hadith ye gaayoy munala wala du tiaget bi di rasati ilmin ci di jang xam xam do fi nek tamit di préoccupé wuti di jang xam xam ngane mais kon numay def kon xana kon alquran rek lay jang mune wala qira'at alquran du ciagne jang alquran bu fa jang alquran tamit wala khayri du ciagne lenen kon yow bu fa préoccupé wu ci lenen balli fi nek ngani kon numay def mune balli fi nek tajma'u da ngay dajale himmataka say yitte yep ha ha da ngay dajale say yitte wa tazkuru nga tuddu Allah bur yalla bi lisanika ak salamin ngay tuddu yalla ak salamin ko yow dan ngay tok Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah jehna ba ala dawami ci sax non ngay def ci sax ma and ak nak hudurul qalbi teway xol manam sokoy def na nga fexé ba am sa xol tew manam moy la présence du cœur han concentration bobul mu lacc boy tuddu yalla ngay xalat yalla ngay xalat yalla kessé tamit Allah manam bat bi sens bi lan lay tek lan moy kan moy Allah han ngay xalat lol Allah Allah Allah Allah Allah jeh deng hatta ambeta tantahi nga mujju ila halatin ci hal bo xamne tatruku da ngay bayyi fi ha ci hal bobu han tahrikul lisan yeungal lamen bi legi fofa bo fa nekke tam sa lamen bu ko doko yeungal c'est à dire que da ngay nek di wax Allah Allah rek ba ben moment nga arreter yeungal sa lamen watara da nga gis ne ka annal kalimata fek gis nga ni ka annal kalimata nek kaddu gi jariyatu mom moy daw ala lisanik ak salamin manam legui du yow yay wax Allah Allah Allah mais Allah ci bopam moy ñew teggu ci salamin ne la par force la ngoy wax manam mënato nopi wala mënato nopi suma top tasbir nga daldi muñ manam nga sax hatta mbeta yumha mu faru azaraha ak jeexitalam alal anel lisan ci lamin bi deeng legui nak bo deme bam nek xal bobu yow bul tuddati mom day dawal bopam ci salamin mais di nga dem ba jeeki jeexital bi dootul amati ci lamin bi effet bi dootul amati ci lamin bi waye kon bu boba wayas kuruha dana ko tuddu al qalbu khalbi bi ghayri lisan ci lu amul lamin legui sa xol rek muy wax Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah sa xol rek moy wax Allah Allah wala wayabqa bu ko defé mu da dess manal kalimat manay kaddu gi mujra dan mom kesse hadaran da aji tew fi qalbika ci sa xol laziman da aji taqub lu wot ak sa xol ñeel ko mom sa xol la yu fariqo du takhaliko mom man du takhaliko sa xol wabi zalika ci lola tasiru ci ngay mujjé mutaarridan di aji di aji mutaarridan di aji taw di aji wa taw li na fa xati ñeel euf ak ay han ay xewul han rahmatullah yermane ak yalla wala deng wala wa inda izin fofet bu boba tun qalu de nga toxo def na la toxal mim maqami ci maqami az-zikr zikr bu ñeuk ba le tank nga dan wax Allah Allah Allah Allah ya ngi zikr mais bobu maqamu zikr nga nekkon manam station bi nga nekkon moy di zikr legui dang fay toxo nak ila maqami ci maqamu zikru zikri manam sikaruk sikar manam bu boba legui du yow yaay sikar mais sikar bi mo lay sikar manam legui sikar bi moy sikar wa kay legui nak wo fi ci bu boba yakunu dana nek az-zakiru aji tuddu yi aynul maskuri di jëmmi ka ñi tuddu kan lañuy tuddu yalla legui nak ki tuddu mo ki ñi tuddu ben la parce que kan moy parce que Allah moy legui mom mo commencer di wax bopam di tuddu bopam a travers yow jeex yow da ngay tok rek lepp legui maana bi nek ci sa xol nga gis Allah di manifester Allah di manifester ci sa xol Allah Allah han di tuddu bopam mais a travers yow de nga motax mu ne la wa zikru zikr nak bil qalbi aqol la hurufa de harf la ho diko ñeel amul harf ngane me ñun liñu xam yépp xaraf lañu xam xam nga lettre elle est son wala voix ñun lool lañu xam ci wax manam ci buñu tudd la mention mention du rappel biñu xam ñun fokk mu am ay lettre mais bu démé ba mel nonu ci xol légui dootu ko amati nga ni lu waral lol mune li annahu ndax wala ndax mom de wahidun ken la min sakinil balad lan la lu ko dal ala ko gam ken no dafa am lu ci dug wala mo fa lako wala jax na deeng nga ndax lan ndax ndax mom wahidun ken la min sakinil baladi ci ñi dekké ci dekk bi wala manam moy lan passage bi bima ci bima def traduction téré bi traduction française téré bi bima exé ci parti bi comprendre mo kon mané mais attends parce que manam le rap la mention wala l'évocation du cœur ne contient aucune lettre car il est seul parmi les habitants du territoire. Mais lol moy lan, il est seul parmi les habitants du territoire xol ko lan lay tek manam lol moy littéraire legui ma laj ko voilà qui se livre tabel ni ko mais li vraiment comprendre mo parce que xol na xol sens bi lan la war don munema en fait limité ki moy en fait boy zikkar ak sa xol da ngay dem ben moment bo xamantene xol bi comme yalla mom rek mo en fait yalla non la mel en fait yalla du nangou manam bu xolé sa xol gis ci kenen wala lenen du nangou dugg ci xol bob yalla mom day bëgg buy neew di dugg ci xol bi manam moy territoire bi donc xol bi mom kessé mu dëkk ci mom yalla lool lay nangou nangou lenen mom nangou en fait nangoul bokalé voilà donc sens bi lool la voilà ce qui fait que comme que yalla mom rek nak mo fay ne ci sa xol après ce qui veut dire que dotu amati xaraf c'est à dire que yow da ngay nek sa xol ni en fait nek ta sa xol legui yalla rek la fess jeexna amul lenen lool la nak ko lool lay wax ni fa hina izin bu boba nak bo tole fofa tan faw ka dana la jarign qira'atul qur'an jang alquran legui nak so paré mën nga nak jël di jang alquran wa tara da nga gis annahu nak mom alquran mu jaddidu aji baamu la al inzal wacce wi wacce ala qulubi talina ci xolu ñi nga xamne ñom ñokoy jang loho ñel ko daiman ba faaw abada manam daiman ci lu sax abadan ba faaw voilà c'est à dire que moment bobu moment bi ngay tok commencer di jang manam sax xol bi fess del ak yalla day gis al qur'an bi day wacc day mel comme si day waccat bokoy jang da diko doko jang comme avant ni nga xamantene non nga ko dan jangé di gis lettre yi di ci manam di jang manam mu melni même texte bi ngay jang même su fekke di nga ci am ay compréhension yu bes mais même texte bi ngay jang bi pa du mel non bi pa day mel comme si da fay waccat à nouveau ci sa xol voilà té bu boba day sax c'est à dire que c'est en permanence à perpétuité aussi. C'est-à-dire que donc, nous sommes permanents, c'est perpétuel aussi. Voilà. Non, là, même. Hein? Non, là, c'est pas ça. Ne contient pas de l'air. Ah, d'accord. Hein? Voilà, c'est-à-dire. C'est-à-dire que vous faites internet dans ma yor xol bi manam sa xol bu ci yalla rek nekké sa xol bu ci yalla rek nekké lenen ludul yalla du ca nek té comme lettre yi lettre profi ci lenen ludul yalla lañ bok kon mom do nek du nek sa xol aussi non plus voilà lol la quoi lol lay tek wala yalla ñu yalla may lol ba amna suñu xol yalla rek mo ci ne wala en fait lol ni mi deme xam nga ñu bari li ñi ragal ci lol en fait parce que lol buñ ko waxe man dem ba nga xamne sa xol leneen loolul yalla du ci ne ñu bare bare dañuy formé mais kon yow sa addu manam do ko amuti aduna en fait nan ngay mëna amé aduna fekk sa xol yow yalla kefe mo ci nek dara mais strictement mais rien ni ku ci lenen ni kenn ni len nekkatul ci sa xol ana naka lay meuna dundé ci aduna bo xamantene vraiment sama xol aju manam dara nekku ci kenn nekku ci lenn nekku ci lolou nu meuna newe parce que question bobu moy poser wu mais en fait nit ki nekk ci xal bobu ni la mbir mi di démé moy xolam manam avant muy nekk ci xal bobu xolam day disperser wu c'est-à-dire bëgg yi mi bëgg yi dañuy disperser wu day bëgg auto par exemple parce que dafa bëgg di voyager di dem ak yoy ak tamit ni mu rafété ak yoy day bëgg soxnam par exemple ngir ben réalité bu spécifique day bëgg ay domam ngir tamit benen réalité bu spécifique day bëgg ay xaritam ngir lenen day bëgg kër gu rafet ngir dara day bëgg alal am xaaliss pour ay fac ay soxlam day bëgg et cetera donc ce qui veut dire que bëgg mi am nañu mais dañu dispersé dañu dispersé donc non la même alors que état bi ni bo ci xëssé ba nek c'est-à-dire que yalla rek nek ci sa xol c'est-à-dire que ce désir ak ce vœu ce aspiration yi sa amour yi yépp dañuy concentré wu ci ben affaire kessé c'est-à-dire que moy yalla ci lañuy concentré wu ce qui veut dire que di nga bëgg kër gi mais yalla bi manifesté wu ci kër gi ngay bëgg du la ko xaj di nga bëgg soxna ci mais yalla ngay bëgg à travers mom parce que pure mushahada bi ngay dundé manam contemplation bu mat ce qui bi ngay dund à travers soxna ci di nga bëgg kër gi di nga bëgg ki xalé bi ngir manifestation divine bobu tamit manam et cetera ce qui veut dire que yow tout ce lepp yalla manam yalla dal nga bëgg yow li nga bëgg lepp ben la moy yalla mom rek mo ne sa xol yi ci dess yépp da nga leena bëgg mais en fait sa bëgg yépp dafa dispersé wul et que ce qui fait que bëgg gogou kokku nonu ni mi bëgge bëgg gu tar lay bëgg parce que mom ben affaire rek la bëgg moy yalla ce qui veut dire que lenn lu muy bëgg lu na nit ñi dañuy formé mom loolu da ko bëgg ba dafa il est fou quoi manam dafa bëgg loolu ba bu mujju def alors que en réalité non mom yalla mom la bëgg mais yalla comme daf koy feñu à travers lune donc ci lune la koy gis et que lune lay bëgg pour loolu ce qui veut dire que kokku nonu place xolam ay place haine du ci am ay bañanté ay yoyu du am ci place ci xol bi parce que tout simplement yalla rek mo nekk ci lan ci xolam voilà donc genre lol lay don mais du comme nuko ñenn ñu foggé nga xamantene dañ foggé bo xese ba bëgg yalla kessé yow do mënato bëgg lenen en fait dedet manam limité ki moy yow manam c'est à dire bëggo dara non du lol da ngay bëgg lepp en même temps ndax lepp hein lan la dañ fay taxaway kan sen borom voilà subhanahu wa ta'ala danga muna walawnul ma'i lawnu ina'ihi lol ko wax jodu soufi di wax lawnul ma'i moy melaw ndokh mi lawnu ina'ihi moy melaw ndakh mi ndabam ni ko def couleur la couleur de l'eau est celle du récipient danga moy fa has lolou lumuy tekki la couleur de l'eau est celle du récipient moy la moy fa has bama manam lu tolok li nga xamné moy proportionnellement a li nga xamantene yakunu ci lay nek alayhi ci mom alqalb khol bi yakunu ci lay nek zuhurul qur'an feñu alqur'an fi ci khol bi solo ni sa khol mel rek non la alqur'an di manifester wo ci sa khol aussi faqat mota deug akhlaq tejna allah rabbi taala aji kawdi babu tanzil buntu wacce atu alquran manam comme nim dan amé la révélation en tant que tel lolou wat jeexna yalla dootou toxoti kenn nan ko kay ma révéler alquran duma révéler won sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou amul acca legui alquran day waccat acca dama koy tok nañ dal nit ñi dal sagana nañ alquran xaarama waccat alquran ci yow bu ko defé nga dundat ko nga jangalat ko nit ñi dedet lolou amul alquran bi ñu wacc ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam doyna seuk pour ñepp tout monde kenn du fi juddo indale ab kamilam taxaw nan gaay wala ya wala dedet lool amul lool du am ku fi juddu alquran bi ñepp jang mom bo juddo mom ngay jang ni ñepp wala tout simplement lool mom c'est une réalité niki nonu sharia dañ ko tejj tamit buntu sharia c'est-à-dire que li yalla xassone ba bëgg ne li dama ko faratal wala li li dagan na lolou naka jek do do changer abada c'est-à-dire que kenn du fi ñew daan ni waaw man nak nitu yalla la bu bes bu ñew ci jamono bu feñ ci jamono bo xamne alquran ba wala la alquran ne won li day farata la legui nak yalla wax na ma ne na len yeugal ne dotul farata lolou amul lolou mën ta nak waaw julli wala julli yi nga xamantene mom dañ ni won comme timis mom ñetti raka la alquran legui nak neenañu manam yalla wax na ma lu bes neena na len yeugal ne en tant que ku mu yabal ne legui julli yoya comme jamono ji legui soxla yi da commencer bari oliye manam julli takusan gi masalan nga xamne mom ñenti rakka la legui julli goga dañ koy yekiti bokutu ci waaw legui nak nan ko def rek manam gannaaw gi ak yu mel non lolu manam par exemple lolu do am voilà wala li nga xamantene daganon na legui commencé na haram wala li haram dagan na lolu manatu la am donc ab yenen manam ce qui veut dire que buntu bobu yalla du ko tej complètement yenen bi sallalahu alayhi wasallam lam doon jangale du ñewat par exemple feñu benn walu yu nan ko jangal na la ah man de lama jangalor gaay moy nangam farata la wa legi yow mom legi yoni legi ñewat na pour jangal la ne la non lolou du farata manam c'est à dire que kep ku ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neena ma manam da ko feñu wala yu mel non bu ko waxe lu wute li mu fi bayyi won dañuy xamne waxul deug c'est à dire que parce que lolou man tane buntu bobu mom yalla du ko tej complètement ubiluko kenn voilà lolou mom motax sidah mutijani radiyallahu anhu biñ neko ndax liñu wax an-nassu sahih ak al-kashfu sarih hein wala bok an-nassu sarih bok voilà ak ma al-kashfu sahih voilà nass manam moy texte bu leer nañ bu nekké ni est ce meuna wouté ak kashfu manam dévoilement bo xam tane wirna mune lolu man tane parce que ñom ñaan ñep ci yalla lañ jogé même yalla bobu non moy digël nit ki nañ julli na duñu julli masalan tay fim tolu amul kenn ku meuna yom kashfu wala ki nangam pbs nan way gaay ñoo comprendre mais man hakika bi may dundu motax que ni yalla légui wacc na julli lolu man tane par exemple man légui mom yalla téggil na ma julli lolu manu tane dafa man waam dafa possible lu comprendre lu ma wax manam possible voilà lool man tane a moins que mu teggil lako comme nimu ko teggile nimu ko teggil jamono yentibi salalahu alayhi wasallam a moins que ci buntu bop mais a part lool du mu ne voilà lool mom moy lool mom moy parce que munu wuté yalla dafa tejj buntu bop buntu indi fi benen loi bu bes yalla dako tejj voilà wala kon momu ne kon faqad deug deug akhlaq tejna allah bur yalla taala ajka ji baba tanzil buntu wacce wat bil ahkam ci ay atta al mashruati ñu teural atta yoyu yalla teural jeexna wama akhlaq waye nu tejul babu buntu tanazzul di wacce waccan bu bes bil ilmi ci xam xam ala qulubil awliyai ci xol waliyu yalla di wacce ay xam xam yu bes ci xol waliyu lol buntu yalla tejul buntu bob hatta mbete yakunu ñu nek ala basiratin ci gis gis bu leer gis gisu xol bu leer clairvoyance yalla tejul buntu bobu motax ngay gis nit ko xamantene mën na xam lu bes lo xamantene kenen xam ko même dans la vie de tous les jours day am par exemple gis nga ki un ordinateur yi wala mp3 yi ni deglu affaire ha mais bo delo il y a 20 ans 30 ans mp3 yi ni ñu existé wul won xamuñu ko won mais que gaay gis nañ ko legui et que il y a beaucoup d'autres choses yo xamantene ay réalité la yo xamantene ñi ngi ci alcorane da ngay gis ñu jëk ñi da ngay gis souvent duñ koy faral di manam dañ koy firi de manière approximative voilà dinañ ko firi bo xam ci anam go xamantene du wuté deug gi mais que c'est approximatif mais avec les moindres détails day gis au fur et à mesure c'est-à-dire que jamono ji nit ñi dañ koy xam c'est-à-dire que parfois nga gis lo xamantene ay yenn mbir yo xamantene alcorane ça veut pas dire que ni ñi ñëk ñi xamuñu won dara wala bok seen xam xam da tuti won motax xamuñu ko won dedet mais c'est que yalla ñamu dogalon ne ñom ñoy am deg deg bi compréhension bu l'air bi ci aya bi ñoñu duddoguñu lool mo taxaw ñu jëk ñi xamuñu ko won lool la amna différence entre les deux choses entre comme tay par exemple ñun ce qui est sûr que aya yi nga xamantene ñom ñoy wax ci embryologie par exemple ñun niñ ko comprendre mo gën l'air que niko ñu jëk ñi comprendre kok c'est une certitude c'est une évidence voilà aya yi nga xamantene ñom ñoy wax ci yenn réalité scientifique par exemple hein ñun niñ koy comprendre rek mo gëna lèr que ñun jëk ñi niñ ko comprendre voilà ñun jëk ñi am nañ ay yenn xam xam yu leen yalla wanon ci alcorane yo xamantene ñun bari ci ñun ñuko amul manam en tout cas la masse amuñu ko et que amna ci ñun tamit ño xamantene amna lu leen di yalla naka jek di leen won ci alcorane ay réalité ay dëgg ay gis gis yu lèr di leen dévoiler ay yenn réalité di leen ubbil yenn buntu yi ñuy xam lo xamne ci alcorane voilà jamuñu ko fenn yalla mo leen ubbir buntu bob la ha maani ka mawjul bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyam comme ni nga xamne non le man bu seyri wax radhiyallahu maana yi nek ci alquran comme douce geej yi lañ mel moy le douce moy vague te fete na kaw ci douce geej gi mana yoy ci fete nañ kaw ci ko douce geej ci geej ci rafetay manam ci pierres précieuses yi nek ci geej les perles rares yi nek ci geej alquran mana yi nek moko fete kaw ci rafetay ak taxaw ak djub ak mbax voilà c'est que geej alquran du jeex non la mel motax yalla diko wacc tout temps diko renouveler ci xolu ñi nga xamne ñoo nitu yalla yi tout temps lo selal loy gën di selal sa xol soy jang alcorane selon ce niveau selon ni sa xol selé soy jang alcorane yalla da la ci jangal xam xam bu wax tane muso ko won xam te kenn jangalul ko aussi lolu mom c'est une évidence kep kenn mën na remarquer vérité bobu kep kenn mën na remarquer vérité bobu voilà c'est à dire que selon ni nga ni sa xol mel rek da ngay gis réalité bobu da ngay jang alcorane tay nga degg ci lo xamantene mais yang ko do rombu tous les jours mais muso ci am compréhension bobu voilà dane waw legui kon comprendre na lolou mom legui xamna ni may def legui nak waw legui xalwa bobu buma ko duggé nak té amul serigne buma ci duggal nak munela amma ndal iza dakhal taha boko duggé mom xalwa ay manam al khalwat khalwa bobu bi khayr izni shaykhin ci luddul ndigalu serigne bobu la woñel ko bo xamne mom amna al izna ndigal fi tarbiyati ci yarate ci tarbiya parce que serigne bi taw il faut mu am ndigal ci tarbiya wat fa innaka laka yaw de la ta'manu do wolu antaku na ci ngan bok min waqala ci borom xel al majanina way dofe moy ñi nga xamantene dañu andak seen xel mais pourtant dof nañ dañu dof wa haula ñoo nga ni non ñu me mu ne qaqawmu nit la ñoo xamne kanat nek na aqulum seen xel ya mahjubatun bi ajiru manam ñoom ku leen gis ci biti day fogné waji dafa dof legi ku leen gis ci biti seen comportement da nan ki legi waji day saan ni saan dof nak deug mum da jang alcorane ba dof han wal da werdu ba dof dafa werdu ba dof lol ngay deg dafa teju won lol mo lay gete c'est ça le risque aussi ndax lan mune bima ci li nga xamne kanu nekkon alayhi ci mbir mom min al a'mal ci ay def wa takalif ak ay togg yu len yalla togg def walam ya'lamu ta xamuñu bi anna nek at li wer bor moy lillahi ñel bur yalla taala ajka ji fajatan ak mbettel ne yalla day bettate liman ñel kep ko xamne xala dafa wetu bi ci mom fi sirri ci mbotam manam ku tok ci secret tok yow kesse di sikat yalla dalay bett en fait mais mom dafa nekkon di préoccuper wu ci sikat bimu don sikat ba fatani yalla daf ko manam gisul ne yalla dan ko meuna bet ci wala wa ata'ahu bu ko defé mu toploko fi amri ci ay mbirum fa faja'ahu mu bet ko alhaq bur yalla bi deug ala ghaflatin ci ak yegiri fek mu nekkon ci yegiri minu ci mom borom subhanahu wa ta'ala ci mbir mom fa dhahaba bu ko defé mbir ma dal yobbu nak bi aqli ci xelum fi dhahabina bok ci ñimu yobbu sen xel xam nga tay fim tollu xam nga lu ñuy wax jommi est ce xam nga lu ñuy wax jommi wala nit bu jommi lan moko indi moy day gis lo xamne xamuko te xaruko aussi day gis lu mu xamul te xaruko lol moy indi jommi wala dako bet lol moy indi jommi mu jek rek gis lu kemanal rek fiduy rocceko mu dadi jommi rek jehna mbir mi tamen non lay mel ko kuy tok di sikkar non khalwa bobu non genre yoy lol mo lay dal da nga jek rek borom subhanahu wa ta'ala am ben affaire bu mu feñal wala amna musna ko fe netali sama ben waylo ndeysan ben kunte la nak ndeysan waju kemaane ndeysan ku bax sax ma sha Allah viñ nekki xales ñoo daan and ko mais waji dafa deggon ñu ne comme par exemple ya jabaru boko ci carré 10000 fois dina am lu lay feñu quoi daal bind ci kibi ci tableau ni am lu mu la jangal waji nak daal di jël kurusam top guddi nek ci neeg bi fay lampe bi top di sikar ya jabaru mais neena daal man daal danaka ci genn walu gi la xawa toll rek mu jek rek am aw kaña daal di yoro dugg sa bir ki quoi sama dor bi rek neena mu yikiti sama dor bi sanni ko rek ta lampe bi xol daal di teud man ko me lutax nit xana da kaña bi xana lu la fet mu ne deet kaña gi ci keur gi la dekk mais man dama xamne comme ko munuma li moma tital buma lañ ma digon waxe jëf ñëwé mom ah na wax xam ni dal li worul xaar mu teud wala parce que mo gëna wor mais non la tam c'est-à-dire ko xamantene parce que en fait tour yi nit ñi ñuy ska tour yi dañu am ay rawxan yu ñuy andal tour du nekk nonu kesse sans mo am rawxan c'est-à-dire que tour yalla bu ne dafa am tout un système buy liggéey autour ñen ñi ay malaaka lañ ñen ñi ay rawxan lañ yen ñi ay khuddam lañ c'est-à-dire que donc dañuy nekk ci biir tour bi nekk lèr yi diko jëfëndiko ak tamit di dox ci service ñi nga xamantene ñom ñoy zikkar tour bobu amna ay nit sax ay arif billah yo xamte dañuy préoccupé wu ci tour bobu ce qui veut dire que ni bo amul ndigal ci nek ci tour bobu zikkar ko système bi ñooñu duñ la xam c'est comme si tay buma ñëwoon dugg assemblée nationale fekk gaay di débattre ci ben affaire ma ñëw bëgg ci a bok non c'est dire que il faut ma am ci système il faut ma dugg ci il faut que tay ñu néma comme par exemple juge bi voilà tribunal par exemple kenn ñëw né diwde mako yoni voilà me déposer dossier sangam voilà ñu xamni ki xamnañ ko té ci diw la ñëwé touru diw la ñëwé et cetera diw mom bokku na ci affaire bi day donc dalay protéger amna nak ño xamantene mën nañ jël ay décision fofu au tribunal amna ño xamni greffier rek lañ fa am ño xamantene ay avocat lañ c'est-à-dire que mën nañ défendre ce dossier au tribunal et cetera mais en tout cas il faut nga and ak ko xamne yow rek nga ñew rek tribunal nonu taxaw pour la plupart du temps da ngay perdre procès bi voilà donc ak surtout nga ñew fa bu faari bëgg fa imposer ay xéeti doxal ni man li la bëgg ni la bëgg ñu koy doxal et cetera c'est comme si tay par exemple ndigël lolu limu amé solo xolal tay nga ñew keur jambu wala tay nga yor palais Élysée hein lo xam ngeen Élysée wala ma yor tiabi Élysée wala numéro téléphone Élysée ma ñew rek commencé woté allô monsieur le président hein té awma kenn kuma wax né manam awma kenn kuma brancher ci système bi ba nga xamantene suma woté dinañ né ah monsieur le président kat ah ki man mako joxok sa numéro nangam nangam wala mo yor tiabi élisée rek ñew rek commencé ubbi c'est-à-dire que buma ñëwé mënuma buma yoré tiabi mu lér ma ni tiabi ji bâtiment ba lalay ubbi sax awma droit dem dugg ci kër gi ubbi ce qui fait que ni mën nañ ma bolé ak ay xéet yi mbir yo xamné daf may day jakkalo man daf may bét manam ay ño xamantene buñ ma jappé dañ may yobbu tribunal atté ma comme étant que ni dama doon cambriolé wala dama def wala dama dugg kër jambour té sans autorisation etc non plus du sa yuma nexé rek c'est pas parce que dama gis ben ki rek que ni damay soné fuma nex rek soné fa buma démé tay kër jambour ma soné dañ may wuyu ñu interphone bi ñuma mais alors c'est qui kan la buma né mana diw mana Moustapha man c'est qui Moustapha alors hein? Et après, nous avons la police. Parce que il est louche, ce gars-là, il est louche. Voilà, le problème est là. Donc, c'est-à-dire que Mbir, l'affaire est là. Madame, il y a des amis qui ont été mis. Souvent, nous avons été mis en carte. Bon, je ne sais pas tout ce que vous avez été. Nous avons été mis en carte de manière générale. Même yo, ça, moi, Asma Al-Husna, 99. Et même yo, ça. Vaut mieux soudé dans qui récurrent donc c'est à dire que dans qui n'est que ça sonne il faut un petit tour un petit digel is nous arf madame nandit arf billah lutax parce que mom tamit non la demé tour yi dañu am l'air ak ay lendem c'est à dire que nit ki sou lay dox tour bi ni mu nekké ni tour yalla mais selon ki koy joxé muy jaar ci mom ci lako dox wala fiñ koy trouver day nek l'air wala lendem soko trouver ci téré bi kessé wala bok nga ñëw rek commencé ko ci car wala keneen ñëw la sa amna degg na ya latif ndissal bo ci défé 129 nangam rek nga commencé ci car amna risque bu la ci fék parce que tour bi dafa am l'air ak lendem et que ki la koy transmettre il faut que mu mën téyé lendem gi transmettre la l'air gi kessé té lolu non il faut que nit ki am ben assise spirituelle pour mën ko def pour mën ko fofu la problème bi nek c'est pas parce que tout touru yalla ci bopam baxul du lol alors que boudé ci alcorane ni ci touru yalla yi nekké ni ci alcorane yoy dañu am iznun am ndigal bu mat seuk bo xamantene dafa jot dafa matalé ñepp ci ndigalu yent manam yalla ci bopam mu jaar ak yent bi sallalahu alayhi wasallam mu defal ko xéetam yépp lol nak bokul ak bi nga xamantene lolou tax yent bi sallalahu alayhi wasallam do len ko gis muy jangalé par exemple ci hadith yi do len dem ci ben hadith gis ko nan gis ko ñu nan par exemple bo werde ya latif 129 fois da ngay am nangam non ay bo werde ya azizu nangam yon da ngay non lolou amu ci lolou mom motax mu laaj digël bu spécial donc yoy ay mbir la yo xam dañu laaj autorisation spécial de la part de la connaissant voilà ou de maître connecté wala chevroné lol la ay mbir la yo xamantene yoy yu mata baye xel la parce que lutax parce que khuddami manam ñi nga xamantene ñom ñoy liggéey autour de tour bobu ñi nga xamne ñom ño nek ci li liggéey autour de tour bobu mën nañu manifester wu ci yow parce que da ngay tuddu tour bi hein jotna est ce que na kon ñu am fofu inshallah billo ba bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd wa kon ñu ngi yamon ci manam boy sikar fekk mi nga xamantene manam bu sikkar bi bo ci amul yenn iznu yi surtout ci yenn asma yi yenn tour yi day waral manam buñu la wala rawhani wala fodaw yi feño manam mën nañ la feño ci anam go xamantene day tar manam c'est comme si manam gis nga tay so nekké di wo manam benn service ni sans nga am ça veut dire que sans service bobu yow nga am autorisation woko manam nga am droit woko hein à un moment donné mën nañu ñëw mais buñ ñëwé du doon ci anam gi lay neex voilà donc lool tamit souvent day faral di dal gaay voilà lool tamit yenn manifestation mom moy waral affaire yi xawa metti ci ñom voilà mbir yi bet leen wala leg leg tamit mu nekk lo xamantene effectivement amul du sax côté bobu mais le fait que borom subhanahu wa ta'ala bet leen ak ben effet wu tour bobu ñom duñ ko manam wala effet wu zikar bi mu bet leen fekk ñom ñi ngi préoccupé wu ci leen dañuy jom après buñ jomé ñu daldi dof légui suñ dofé dinañ mën di nek lool lay wax nak mune wayabqa dad wa baqiya mu dess yaqulu di lek wayashrabu di nan way tasarrafu di soppandi fi umuri ci mbiram dunyaaw fi umuri ci mbir dunyaaw aduna mi kal hayawani kem njay ali al maftur yi nga xamne dañ leena tejji ala dalika ci lola manam bo xole njay ali manam dundit yi moy animaux yi ñom non lañ mel dañuy mën di lek di nan di soppandi ku ci seen affaireu aduna yi manam li lepp lo xamantene voilà dafa aju ci les besoins primaires dañ koy def mim maarifati moy lola manam mim maarifati ci di xamé daruratihi ay loram wa manam yi nga xamne ñom ñoy besoins primaires le nécessité primaire voilà wa madarihi ak ay loram manam likoy lor xamna ni par exemple bu auto xam nga lool même musi xam nañ ko musi xar yak ñoon xam nañ ni auto bu ñëwé la leen di nara fiir dañuy daw buñ doxé ba nara tab ci camp dañuy taxaw voilà buñu gisé gaynde séné gaynde muy daw di ñew dañuy xelu voilà et cetera yoy voilà xam nañ ni buñu gisé am ñax par exemple budé xarmé la bu gisé am ñax wala yoy day xam ni fi am ñax nga fa et cetera comme ki buñ xamé ni cadavre mi ngi feulé moy tani kaati léy bu gisé aw tan bu tan ni comme par exemple bu gisé ben cadavre hein med dañuy dali xamné fi med la ñu da dem hein dem jëfëndiko ko et cetera donc lolu yoy ñom dañ koy xam donc yoy dañ koy xam donc du lolu moy nek sen moy nit de manière générale nit ñi ñom ñep xam nañu lolu kon ñom deng mais yoy yep daf koy def min khayri tadbiri ci lu amul ak sopandiku deng nga wala rawiya du tiagen lu koy ñu fessal am manam am xelam wala voilà c'est à dire que donc amul lenn lu ci liguey lu spécifique lo xamantene administration la yoy par contre la dul man lepp lo xamne dafa aju ci walu xel mu xoot xalaat bu sori lolou du ci man dara fa saxata bu ko defé day da di rot am moulif len ak taklifa togu jeuf gi manam legui responsabilité bi yalla dan tek nit ñi nan len da ngeen di war di julli da ngeen wara wor da ngeen wara yoy day tege ci ñom nangam dafa haram do to ko defati nangam dafa ci lolou day tege ci ñom deng fa arwahum motax ñooñu seen ay ruh munahamatun dañ leen di xéewale bi suudi ci jakkarlo biñu jakkarlo borom bi taala aji kay ci hadara fi ci hadara bi kay wa togal bu fi joge deng voilà deng legi kon yaquluna motax ñooñu non lañuy mel kon ay nit lañuy doon yo xamantene dañuy nek ci hadara yalla bi di jakarlo ngir borom subhanahu wa ta'ala han deng di jakarlo ngir borom bi subhanahu wa ta'ala di nek lan di nek ño xamantene seen ruh yi dañ leen di xéewale ñu nek ci hadara yalla bi mais ant mais ay dof lañ c'est à dire que borom mi xel yu reey reey lañ mais en réel mais ci bitini ay dof lañ motax ñoo ñoo ñuy deg nan dañ doon wër da ba dof dañ doon ki ba dof ni bu fekkete ne deug la su dé deug la genre bobu lañu nek yaquluna dañuy wax bil hikmati ci wax yu xereñe min ghayri qasdin te duñ ci djub te duñ sañu manam loolu lañu djublu ko ci manam dañ la nga gis ñuy wax ay wax yo xamantene wax yi day and ak sagesse yu mak mais du sans mu nek sen objectif sans mu nek sen sen but genre nit yoy motax bo deggi ñu nan diw ki ni motax dof bi waluyu la xet bobu la moy waluyu bo xamantene en réalité mais dof bo xamantene waluyu en fait lolu mom mo len différencer parce que li len lolu li tax mom moy xelam mo yekitiko waluyu la bo xamne xel mi dafa yekitiko parce que dafa am ben fatkhu manam ben ouverture spirituelle bu waral munutul manam xel mi yanuko lolu moy waral dof gi amna nak ño xamantene parce que dof motax dof yi ñaari ko ñaari façon rek lañ ñaari façon yi comme ni ko cheikh abdallah da bax radhiyallahu anhu ñaari façon dof ñoy gis dof bu ñëk bi moy ki nga xamantene leeru yalla manam ben ouverture spirituelle illumination moko arrivé mu gis wala mu xam lo xamantene affaire mi xel mi atteluko xel mi yëkitiko koku ben la moy comme genre yi ni ñoñu dañuy dof ni mais c'est ñoñu dinañ ci ñëwaat légui mais dof bobu voilà lolu ben cadre figure la mais mu am benen cadre figure moy ñi nga xamantene bakkar yi ñoo bari ci ñom seen xel neux seen xel yëkitiko moy comme ku tuk bon ba départ wala et cetera yalla nañu yalla sam Dengue. Koku souvent day am ay xéeti manam boku gisé même bu fekkante né yiri yi muy sol dafa tilim wala yu mel nonou xoté ko et cetera même bu melé nonou da ngay gis du am mu xet go xamantene xet bu nakaré la dedet benen bir bi ci dess mom moy mën na am ay fièvre yu démé nek ay sotni mais par exemple mais comme dof yep hein sen xel du tey voilà dof mom xel mi du tey motax bo gisee dof muy commencé di waccio ak yoy manam moy xel mi commencé na tey rek moy muñu wadi wel benen bi ci dess mom moy dof yoyu masalan buñu gaanu wayé nga dem xol ko da ngay gis ne du four gan way du four wa moy tour ndox wala bu touré ndox wala wala bu touré ndox da ngay gis né du fou wala bu fourou rek c'est parce que waluy le motax du dof bu réel du dof comme yenen dof wala ñom genre yoy non lañu mel wala ñom non lañu mel motax il faut faire manam nit ki nak bu bañe yoy yep diko ci fek diko ci dal na tout temps di teunkou ci lo xamantene dañ ko jox ci ndigal bu wër na teunku ci lool voilà ci lo xamantene dañ ko jox ci ndigal bu wër parce que sinon day risquer indi bopom problème bo xamantene yalla rek xam fu toll nu mu toll lool moy li nga xamantene leen na la baxna kanta yi nga xamantene mom xamoo ak baxam ak ñaka baxam ak wërum ak ñaka wërum lool mom benen problème la mën na la indi problème bo xamantene do xam fokoy waxe doko mëna netali fenn parce que bala nga koy netali fekk na bay wey na mbuss fekk na bay wey na mbuss wa yalla ñala sam munawa rasulullah xolal ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam moy yenente bi lama bi nga xamne faja'ahu bet nako al malik kat malaka bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekké xara xara yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekké xara xara di lan lan nga bëgg mo bëgg na tokki na tokka yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu nekké gharu hira di jamu borom subhanahu wa ta'ala dafa am jek jek ben jour comme niko ñepp xamé histoire bi malaka bi ñew jibril alayhi assalam ñew feñu ko wettu ko te pourtant subhanallah gentu nako pendant 6 mois kon koku en fait wettu ko sax deug deug bet waye bam ko bété xala dañu zamiluni sangulen ma sangulen manam comme histoire bi niñ ko xamé dem mu japp né mom fim tollu légui voilà jommina et cetera voilà gis na lu musul gis xamatul ki nangam et cetera di commencer ragal bopam tit am titangé gu doy wa hein ba sayyidat khadija hein radiyallahu anha moko dalal sayyidat khadija hein moko dal mo dalal voilà sallallahu alayhi wasallam ak histoire bobu comme niko ñepp xamé wala jarul guddal ci netali mais fever bobu mais ki bobu manam événement bobu mune kon xolal fa kayfa xolal malaka bi moko bet mu mel non fa kayfa ana naka iza faja'ahu su don dako bet al malik yalla bi borom bi bu don yalla ci bopam moko beté lool nak kana nekon rasulullah sallallahu ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam iza faja'ahu suko bette al wahyi wahyi bi ukhiza dagn dan defna dagn dan japp an hissi ci mbolem ciirmi wala wasajja mujje manam nek ko xamantene da fay lox tang war xam manam wala lox bo xamne du meuna teyi bopam fum tol di ki min hawli ma yajidu wa nga gis ko mu commencé ñak toy xet han min hawli ngir rengi ma la nga xamne yajidu mom lay dal suma top yaruduhu ñu do ko delo mu delo ko rabbu borom ila hisi ci ay yegigam kay bu ko defé yu balligha gis nga lutax yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu ko affaire bi bété mom malgré situation bo muy nek après yalla da koy delo wat yegigam sans sam yépp mu mëna def moy pour mu mëna jotale kay yu balligha bu ko defé mu jotale anhu han wolif borom manam mu jotale borom subhanahu wa ta'ala muna amma musa ndal yent yalla musa mom alayhi salatu wassalam alayhi salam yalla muccu sax dak nek ci mom falamma faja'ahu bam ko bete rabbu borom kharra dafa rot sayqa xam mase mok mase fous tout simplement muna kon franzur xolal al farq digeunte bi nek baynal maqama digeunte ñaari maqama yi wala yent bi sallalahu alayhi wasallam mom sangulen ma la don wax yent yalla musa alayhi salam mom dafa wala motax mu legi nak muy wax ci benen mbir bu am solo mu ne wa ashabul qulubi borom xol yi nga xamantene dañu allati yi nga xamne mala aha fessal nako allahur ya taala ajka ajbi nuri ci leram bi borom xol yi nga xamantene yalla dafa fessel seen xol ci leram la yu asiru du am jeexital fihim ci ñum ash-shaytan du am effet ci ñum wala yukhruju du len genn an ubudiyatihim ci seenu nek gi ñi nek ak jam xolal qila wax na li iblis ñeel iblis kayfa anna nak haluka moy sa hal ma sheikh ak serigne bobu ñu wax abu madiana moy abu madiana moy al-qaws serigne al imam muhyiddin ibn arabi radiyallahu anhu togal sayyid muhyiddin ibn arabi radiyallahu anhu wali bu kemané bobu ki nga xamné mo nekkon serigne moy sayyid abu madiana al-qaws radiyallahu anhu mom dañu laj iblis ne ko wa mais yow cheikh abu madiana no len def radiyallahu anhu qala muné ka shakhsin man dal kemu nit la ko xamne bala dafa gaanu way fil bahri ci geej al muhit bi nga xamantene dafa fek lepp manam geej gu yaat ocean bu maga nit ki bu ci gaanu waye manam bu ci touré ndox ban effet la ci def amul ben effet wala ñooñu non lañ mel nga xamne ya parce que lan parce que mom xolam yalla dako fessal ak leram leru yalla bu fessé xol bi comme geej gogou lay mel du océan bi nga xamantene amul sax rivage en fait voilà tay fim tolo océan atlantique bi bu benn way ñewon beuk tourimal dal fay tour dox say du ci am benn effet nonu la iblis bu ñewé ci xéetu wallu yoy non lay mel ak ñam du am benn effet ci seen xol dina ñew def limi def yépp mais su paré day gis né nek ni deful dara motax fa shaytanu shaytanu yulqi day san fi qulubil awliya ci xol wali yi daf ci sanni lam ci sanni wala yu afsir wayu am jeexal fihim ci ñom li annu ndax ñom mahfuzuna dañ leena ar dañ leen préserver shaytanu dañ ñew def limi def yépp wala mais du am effet ci ñom motax shaytané xolal motax xolal yent yalla kat yusufa alayhi salatu wassalam ni nga xamantene nonu la waxe wax ji nim subtilé mune mim ba'd an nazagha ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati hein non la waxe waja'akum min al-badwi mim ba'd an nazagha ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati manam ni nga xamantene non la sheytaane ñewé manam sheytaane amna manam tukku gu mu tukku sama digënté ak yeen manam jëm fi def jëm ñoo jaxassé mais loolu sheytaane dañ def nako mais amul effet voilà sheytaane def nako mais amul effet parce que après mom déjà ñom en réalité dimbali nagn ko parce que xam nga surtout dom manam magu yentiy Allah Youssou alayhi salatu wassalam biñ ko jëlé sanni ko ci geej gi ci ki bi ci ten bi xolal na même tuddul sax ndeysan biñ ma sanné ci ten dañ ne biñ ma génné bima Yalla génné ci ten bi lol la wax bima Yalla génné ci ten bi waxul bi ngeen ma sanné ci ten bi parce que aussi xam nga tamit loolu la tamit manam di fatali nit ci ay jëfum yu mu defoon mais voilà non waxul ci tien bi sax ci kasso la wax ak xajal ni wa mina sidini voilà tuddul tien bi kasso la tuddu kasso yalla ba ma genné ci kasso bi après yeen ngeen ñew ginnaw bi nga xamné sheytaane def na manam jëm nañu tax dem def na ak xéxu tok suñu digënté ak def suñu digënté kon buñ xolé sheytaane kon amul effet ci nitu yalla yi amul effet ci ñom satu domam yi maam domu yentiy Allah yaqub yaal salam jël nañu yentiy Allah salam sanni ko ci ten mais sanni gogu ñu sanni ko ci ten bi en fait loolu moko jappalé parce que su gennul won kër bayam comme niñ koy waxé ba sori dem ci sori ba dundu limu dundu don lo nek buru misra en réalité ñom lolu sheytaane doon def defene da fay yak en fait amul effet ci ñom ñom ñaar yépp d'ailleurs parce que ñom wulbati ko nañ reconnaître ni yow yañu upp voilà kat man Allah han alayna an naka wax da han ça hein la ko wax da قد آثرك الله علينا فلا قد آثرك الله علينا فلا يلا جخنا لا نغنيل بريوريتي سي سونو كوم فلا ني دالدي واخ سين باي مو جيغلو لين ايتترا ايتترا ايتترا اك يينن ني جي سي اج فلا فلا تي نيوم ني الاسباب ني سكي القران ني تود نيوم ني يرنت يوي عليه الصلاه والسلام kon ñom sheytaane do am effet ci ñom en fait ki la wax nañ li abi madiana mo al-ghaus bin nundu radhiyallahu fi tamassuhi ci ray gi ko bimu koy ray annas nit ñi bi ci mom manam mom nit ñi dañ ko doon ñew ndeysan diko ray diko xiar ama tajidu ndax xana do dat fi nafsi ci sa bakkan min zalika ci mbir moma asaran ab jeexital manam bu ñewé di la xiar est ce do yek ben xetu reuy ben xetu hein voilà fa qala munay hal ndax yajidu dana dak al hajar khair al aswad bu ñuul fi nafsi ci bopam asaran ak jeexal moy hajar al aswad moy khair bu ñuul bobu ñuy fon ci kaaba gi bo len bo set ka voilà est ce que bu ko nit ñi fon nono dana am ci mom jeexital yukhrijuhu bu koy genné man hajriyati ci nek gi mu nek xeer de toute façon nit ñi diko fon du tax mukk hajaru aswar jeki jeki yeg bopam ba doot nek ci xeer ha iza qabilatu qabalahu su koy fon ar rusulu yenenti wal anbiya wala ñu solo ñol anbiya ak ñu ñu ñu ñu wal anbiya ak ñu solo ñu yenenti yalla sa sa buñ koy fon xey la ñu ne ko la dede xala mu ne ana man zalikal hajar may bobu la xeer nit ñi bu ñëwé dima raay bi ki foon sama loxo ki magal ma waaw ndeysaanu serigne bu baax bi ki na amul ben effet ci man sana aucune voilà aucun effet du téré ki ma doon ko rek moy xamna ki ma doon moy jaamu yalla la te njaam gogu ma ne duma ci mëna gi duma ci genn jaamu yalla la amul effet ci man wala lolou jotay wa ñu yam fofu inshallah parce que jotay bi ni ñew amna ñu dugg ci benen point bu am solo inshallah ci jotay bi ñu yam fofu wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin